Chapitre 227. Le mérite de jeûner le jour de Arafah, ainsi que le dixième jour de Muharram Ashura, qu'il est bon de faire précéder du neuvième jour de ce même mois. Ta'asura. 1250. Selon Abu Qatada, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafah. Il répondit, « Il efface les péchés de l'année précédente et ceux de l'année à venir. » Muslim. 1251. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, jeûna le jour de Ashura et ordonna de le jeûner. Al-Bukhari et Muslim. 1252. Selon Abu Qatada, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut interrogé au sujet du jeûne du dixième jour de Muharram, Ashura. Il répondit, « Il efface les péchés de l'année précédente. » Muslim. 1253. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième, jour du mois de Muharram en plus du dixième. » Muslim.